L'actualité à Nancy et ailleurs. Portrait sur Radio Fadjet d'une association École Secours en compagnie de Aurélie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette association qui existe depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, voilà, elle existe depuis plus d'une dizaine d'années, effectivement. Et moi, j'en ai repris la présidence en 2013. Alors, expliquez-nous dans les grandes lignes le projet de cette association École Secours. Alors, nous, on intervient au Togo. À la base, c'était d'une rencontre d'un couple qui est parti au Togo dans le but de se rendre utile. Ils avaient un contact, un Togolais, qui est tombé sur place. Et du fait de leur visite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un manque crucial au niveau de l'école, c'est-à-dire de l'école maternelle, qui est un système scolaire qui n'existe pas au Togo. L'école commence au CP. En fait, au Togo, ils ont deux CP, le CP1 et le CP2. Et la langue officielle au Togo est le français, mais la plupart des enfants arrivent au CP ne sachant pas parler français parce qu'ils parlent le dialecte de leur région en fonction de là où ils vivent. Donc nous, on s'est placé sur ce credo-là, sur l'éducation. On crée des écoles, enfin, on met en place des écoles maternelles et on met en place aussi des institutrices à l'intérieur de ces écoles pour promouvoir le travail des femmes. Et on en est aujourd'hui à 5 écoles. Donc on finance l'intégralité des salaires et du financement des matériaux en cofinancement avec la région ou le département. Donc depuis la création de l'association, 5 écoles ont été montées avec l'aide de cette association École Secours. Voilà, 5 écoles et une bibliothèque également. Comment vous êtes venu, vous, à vous investir dans cette association ? Alors moi, je travaille dans un tout autre domaine. Je fais un travail de bureau, un travail administratif. Et j'avais envie de me rendre utile, enfin plus utile au quotidien, quelque chose qui me semblait aller vers autrui. Oui. Et une amie de ma sœur était dans cette association-là. Donc je lui ai demandé des informations. Et il s'avère que l'année suivante, un chantier solidaire se mettait en place pour la construction d'une école dans un village qui s'appelle Dafo. Donc je suis partie pendant un mois. Nous avons construit cette école et depuis j'ai eu le coup de cœur pour cette association et pour le Togo et les gens que j'y ai rencontrés. Je me suis investie depuis 2011 dans l'association. Donc vous avez passé aussi un temps là-bas, vous avez vu sur place les effets positifs de cette association et les réalisations concrètes que vous avez pu apporter. Oui, voilà, en fait, du coup, les enfants qui passent par les écoles maternelles arrivent au CP en sachant déjà parler français un minimum, parce que c'est la langue que l'institutrice va essayer de développer chez les enfants. Et les enfants aussi ont une meilleure attention en classe en arrivant au CP, parce que du fait d'être passés par une école maternelle, ils se sont déjà assis à un pupitre, ils ont tenu un crayon, ils ont appris les règles de j'écoute l'instituteur ou l'institutrice, je suis en collectif, voilà. Il y a toutes des règles qui sont mises en place, qui passent par l'école maternelle. Quand un enfant n'y accède pas et vient directement au CP, ben voilà, c'est, on passe de sa vie familiale au CP avec tout à apprendre, le maintien assis sur une chaise toute la journée, avec les stylos, l'écriture, la langue française, qui voilà, sont des choses étrangères pour les enfants qui arrivent au CP sans passer par une école maternelle. Donc, plus de 10 ans maintenant après la création de l'association, il y a encore plein de choses à faire, j'imagine. Oui, bah il y a toujours plein de choses à faire, effectivement. On a arrêté la construction d'écoles parce que à chaque fois qu'on construit une école, ça signifie un salaire en plus parce qu'il faut rémunérer l'institutrice qui opère dans l'école. Donc on a arrêté les constructions parce que financièrement on n'arrive pas à suivre parce que tout est à notre charge au niveau du financement des salaires. On ne trouve pas de partenariat qui nous aiderait à financer les salaires. On a des partenariats avec la région, le département qui finance une partie des matériaux, mais pas les salaires. Donc on a arrêté de construire des écoles pour se concentrer sur l'école en elle-même. Donc on fait des rénovations parce que le temps au Togo est très humide et donc les bâtiments se détériorent rapidement. Donc on fait régulièrement des rénovations où on agrémente nos écoles de latrines et de réservoirs d'eau afin de faciliter la vie des enfants et de leur institutrice au quotidien. Comment on peut aider l'association aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut aller... Il y a une cagnotte qui a été mise en place sur le site Opal, c'est via Ulule, pour participer financièrement à la continuité de nos projets, parce qu'à l'heure actuelle, on manque de ressources financières. Le fait que la crise sanitaire étant là, nous ne pouvons faire aucune action pour récolter de l'argent, à part demander un financement participatif à toutes les personnes qui sont déjà passées un jour par notre association en tant que volontaire, ou alors qui suivent nos actions via notre page Facebook, où on met régulièrement des informations. Voilà, et à vous entendre, on voit bien sûr le concret de ce qui peut être fait avec l'argent que vous récoltez. Vous avez une page Facebook aussi, donc pour suivre un peu votre actualité. Voilà, une page Facebook qui est notre le miroir de l'association. Voilà, on y met régulièrement, autant que possible, des informations sur les chantiers qui ont été réalisés. Donc, quand je parle de chantier, c'est la construction, la rénovation de bâtiments dans nos écoles maternelles. Et aussi, pendant l'année, quand on a un chargé de mission qui nous envoie des photos des enfants, de leur travail en classe, de différentes choses, pour pouvoir être visible sur Facebook et voir que voilà, si les gens contribuent, c'est pour quelque chose de concret, c'est pour aider les 75 enfants qui sont à l'heure actuelle scolarisés dans nos écoles et rémunérer les institutrices qui enseignent dans ces écoles. Voilà, c'est le projet de l'association École Secours. Merci Aurélie, qui était présidente de l'association École Secours. Merci encore. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.